Page arrachée à la correspondance de Raymond Chandler. Lettre choisie par Bruno Abraham Kremer et Anne Rothenberg. Réalisation Pascal Deux. En direct du studio 110 de la Maison de la Radio. Créateur de Philippe Marlowe, détective privé immortalisé au cinéma par Humphrey Bogart, Raymond Chandler est l'un des grands maîtres du roman noir américain. Un jour, en parcourant la côte du Pacifique en voiture, je me suis mis à lire des magazines bon marché. Et une chose m'a frappé. Ce genre de littérature ne manquait ni de force, ni d'honnêteté sous son aspect fruste. J'en ai conclu que c'était peut-être le bon moment d'apprendre à écrire de la fiction, tout en gagnant un peu d'argent en même temps. À Hamish Hamilton, à Alex Barris, à George Harmon Cox, à Dale Warren, à Mrs. Knopf, à Alfred Hitchcock, à Charles Mort, à Mr. Wicks. Cinquième épisode. Le 12 décembre 1954, Cici, la femme de Raymond Chandler, meurt à l'âge de 84 ans. Chandler l'avait épousée en 1924. Elle était de 18 ans son aînée. Lettre à son ami Leonard Russell, éditeur du London Sunday Times, le 29 décembre. Cher Léonard, j'ai reçu beaucoup de marques de sympathie et de nombreuses lettres après le décès de Cici. Mais la vôtre a cela d'unique qu'elle parle de la beauté perdue, plutôt que de la vie relativement inutile qui continue. Cici était tout ce que vous dites et davantage. Pendant 30 ans, 10 mois et 4 jours, elle a été le battement de mon cœur, la lumière de ma vie et toute mon ambition. Tout ce que j'ai fait d'autre, ce n'était qu'un feu pour réchauffer ses mains. Elle était cette musique que l'on entend au bord de l'inaudible. Mon plus grand regret est maintenant inutile. Et de n'avoir jamais écrit quelque chose digne de son attention, de ne pas avoir fait un livre à lui dédier. J'y avais songé sérieusement, mais je ne l'ai jamais écrit. Peut-être n'aurais-je pas su l'écrire. Elle a eu une mort difficile. Son corps a été livré à des centaines de batailles perdues. N'importe laquelle aurait suffi à achever la plupart d'entre nous. Comme vous le savez, cela n'a pas été soudain. Ça durait depuis longtemps, et bien des fois j'avais dit adieu à Cici. Aux heures glaciales d'une nuit obscure. J'essaie de ne pas trop penser à elle. Tard le soir, quand tout le monde est couché et que la maison est tranquille, j'entends des pas légers glisser sur le tapis et je vois un très doux sourire au bord de la lampe et j'entends une voix qui m'appelle par mon prénom. Alors je vais à l'office, je me prépare une fine bien tassée et j'essaye de penser à autre chose. Ouais. Lettre de septembre 1954, à son éditeur anglais, Hamish Hamilton. Écrire mes mémoires, cher Jamie. Vous n'êtes pas le premier à me l'avoir suggéré, ce n'est pas la première fois que vous le faites. Mais je peux seulement vous répondre que je n'en ai pas le courage. Il me semble que certains peuvent le faire avec une dose raisonnable d'honnêteté, et qu'il y en a d'autres qui simplement ne peuvent pas se prendre suffisamment au sérieux. La Jolla, Californie. Lettre du 5 mars 1955. À son ami, l'éditeur anglais Roger Machell. Cher Roger, je serais bien incapable de dire si j'ai vraiment voulu en finir ou bien si c'était mon subconscient qui montait cette petite représentation mélodramatique. Je ne m'étais jamais servi de ce pistolet, la détente était si légère que le coup est parti juste quand j'ai pris l'arme en main. J'ai perdu conscience à ce moment-là. L'agent de police qui est venu m'a dit plus tard que j'étais assis sur le sol de la douche, en train d'essayer de fourrer le canon du pistolet dans ma bouche, et quand il m'a demandé de lui donner l'arme, je la lui ai juste tendue en riant. Je ne m'en souviens plus du tout. Je ne sais pas si c'est la conséquence d'une insuffisance affective, mais je n'éprouve aucun sentiment de culpabilité ni aucune gêne quand je rencontre à la Jolla des gens qui savent tout ce qui est arrivé. On l'a raconté à la radio, dans les dépêches et dans les journaux partout dans le pays. J'ai reçu des lettres de partout. Certaines pleines de gentillesse et de sympathie, dans d'autres on me gronde, d'autres sont parfaitement idiotes, à un point incroyable. J'ai reçu des lettres écrites par des officiers de police, en activité ou en retraite, deux d'agents de renseignement et une lettre d'un détective privé de San Francisco. Dans toutes ces lettres, on trouve deux choses. D'abord, il y a longtemps qu'ils auraient dû m'écrire, parce que j'ignorais sans doute que mes livres représentaient tant de choses pour les gens. Ensuite, comment diable un écrivain qui n'avait jamais été flic pouvait les connaître si bien et les représenter avec tant de vérité? Il y en a un qui m'a dit qu'il avait servi pendant 23 ans dans la police de Los Angeles et qu'il pouvait pratiquement mettre un nom sur tous les flics que j'ai mis dans mes histoires. Il semble s'imaginer que je les connais tous personnellement. J'avoue que ça m'a un peu bluffé, ce genre de choses, parce que j'avais toujours cru que lorsqu'un véritable flic ou un détective lit un roman policier, ça le fait juste rigoler. Mais qui donc a dit? C'est peut-être bien Robert Louis Stevenson. L'expérience, c'est avant tout une question d'intuition. Affectueusement, Ray. Lettre du 17 septembre 1955 à son amie Jessica Tyndale. Jessica, mon petit, vous vous faites beaucoup trop de soucis pour moi. Vous savez, vous ne m'avez jamais vraiment vu sobre, mais je le suis depuis plusieurs semaines, sec comme tout. Ça n'est pas gai, mais j'ai l'intention de persévérer. Il y a quelque chose dans ma chimie qui ne supporte plus l'alcool. Je commence par un petit coup de blanc et puis je finis par m'envoyer deux bouteilles de scotch par jour. Alors je ne mange plus. Et au bout de 4 ou 5 jours, je suis malade. Il faut que j'arrête. Et les symptômes de manque sont tout simplement épouvantables. Je tremble à ne pas pouvoir tenir un verre d'eau. Je ne peux ni marcher ni me tenir debout sans aide. Une fois, j'ai vomi à 18 reprises dans la journée. C'est comme ça. Mon père était alcoolique et toute ma vie, j'ai eu peur d'en devenir un. Mais jusqu'à la mort de ma femme, je pouvais m'arrêter de boire quand je voulais ou quand la nécessité s'en faisait sentir. Les 3 années qui ont précédé sa mort, je n'ai pas bu du tout. Ce qui est drôle, c'est que moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est les autres que ça gêne. Même, ça les vexe un peu. Je crois que tous ceux qui boivent plus qu'un petit cocktail de temps en temps sont secrètement conscients de leur faiblesse et détestent ceux qui ne la partagent pas. Est-ce que je suis bien? Non. Est-ce que je suis heureux? Non. Suis-je faible, déprimé, bon à rien et sans le moindre intérêt pour mes semblables? Oui. Très, très affectueusement. Ray. Lettre du 19 juin 1956 à Helga Green, son nouvel agent littéraire. Chère Helga, en ce moment, j'aimerais bien coucher avec presque n'importe quelle femme douce et jolie, mais bien sûr, ce ne serait pas convenable, même si j'en avais l'occasion, parce qu'il y faut l'amour. Autrement, ça ne veut rien dire. Je ne suis pas un homme ordinaire. Je n'ai rien du rapace. Je préfère donner que recevoir. Et puis l'acte sexuel n'est pas si important que ça, alors que j'attache le plus grand prix à la compassion et à la tendresse. Ma belle-sœur prétend que je faisais le meilleur mari possible. Et c'est facile, quand on a la plus merveilleuse femme possible. Pendant près de 31 ans, j'ai été un mari aimant et fidèle. J'ai vu ma femme mourir lentement alors que j'écrivais mon meilleur livre, dans la souffrance que me causait cette mort. Et cependant, j'ai réussi à l'écrire. Je m'enfermais dans mon bureau et je me persuadais que j'entrais dans un autre monde. Il m'y fallait au moins 1 heure. Ensuite, je me mettais au travail, mais j'avais constamment l'oreille aux aguets. Tard le soir, je m'allongeais sur le grand canapé, je restais à lire jusqu'à minuit, car je savais que c'était l'heure où elle allait entrer doucement et où elle aurait envie d'une tasse de thé, mais qu'elle ne la demanderait pas. Il fallait la lui proposer. Alors il fallait que je sois là, car si j'avais été endormi, elle ne m'aurait pas réveillé et elle n'aurait pas eu son thé. Croyez-vous que je regrette tout cela? Non. J'en suis très fier. Ce fut le moment suprême de ma vie. Cette lettre vous semblera peut-être trop personnelle. Si c'est le cas, me pardonnerez-vous. Je me sens parfois terriblement seul. Et maintenant qu'elle est partie, n'est-ce pas à cause de cet amour que je tombe amoureux de toutes les femmes gracieuses et tendres? Demain, ça aurait été notre 31e anniversaire de mariage. Je vais remplir ma nouvelle maison de roses rouges et inviter un ami à boire du champagne. C'est sans doute un geste inutile et absurde, car mon amour perdu est perdu à jamais. Je ne crois à aucune forme de survie après la mort. Je le ferai quand même. Au fond, nous, les durs, nous sommes d'incorrigibles sentimentaux. Bonsoir, mon petit. Je vous aime tendrement, ce qui n'a pas toujours été le cas pour mes agents littéraires. Ouais. May 25, 1957, à Elga Green. Auteur populaire désire secrétaire particulière, très particulière, sachant faire la cuisine, la vaisselle, les lits, un peu de ménage en plus du travail de secrétariat. Horaire important, parfois de nuit, 7 jours par semaine, salaire élevé, employeur américain, manière convenable, mais on ne peut pas trop compter sur lui. Capable de travailler d'arrache-pied quand ça le prend, mais manifeste parfois d'autres intérêts. La candidate doit être célibataire, relativement jolie, pas trop farouche, prière envoyée photographie, de préférence à poil. Déjeuner, dîner dans de bons restaurants inclus, parfois voyage à l'étranger. La candidate devra avoir une éducation universitaire, être raffinée, mais pas trop quand même, bonne connaissance de la sténo, dactylo rapide et précise, connaissance en archivage, ailleurs qu'en tas sur le plancher, dessous présentable, essentiel et pas trop abondant. Conditions de travail agréables, liberté. Répondre par écrit indiquant salaire souhaité, taille, poids, âge et couleur du vison. Offre exceptionnelle à ne pas manquer, annonce Z2098 de Times. Les gars, peut-être pourriez-vous m'aider à m'en sortir. On dirait que je ne parviens pas à apprendre comment supporter la solitude. Pourrions-nous envisager de parler de tout cela quand vous viendrez? Je vous en prie, Elga. Venez. Tendresse. Ray. May 1958. À Jessica Tyndale. Adorable Jessica. Pardonnez-moi ces effusions, mais depuis que j'ai fini ce bon dieu de bouquin, j'ai un peu perdu les pédales. Demain, la dactylo viendra taper le texte définitif de playback. Vous savez, sans Elga, je ne serais jamais venu à bout de cette histoire. Elle réveille mon ambition, une certaine qualité d'esprit qu'elle possède m'anime à mon tour. Grâce à elle, j'ai envie de conquérir la terre entière. Ça ne risque pas d'arriver, mais enfin, cela m'a sorti de cette léthargie qui m'accablait depuis plusieurs années. Les femmes charmantes ne manquent pas dans le monde et vous en êtes un merveilleux exemple. Mais entre Elga et moi, il existe une singulière alchimie qui me pousse à agir. Mais c'est son rôle auprès de l'écrivain qui me semble prodigieux. Par sa façon de parler et d'agir, sa simplicité, sa générosité, son intelligence, elle m'inspire. Et cela sans essayer de le faire. Elle m'est infiniment plus précieuse comme agent littéraire, comme ami. Je ne le serai jamais pour elle comme client. Nous ne nous disputons jamais. Tout se passe très bien. Tout n'est que paix et bonheur entre nous. Pour des raisons personnelles et par tempérament, elle n'a pas envie de se remarier. Je suis d'accord, tant que je peux vivre près d'elle et ne pas la quitter. Tendrement. Ray. PS. Ah oui, j'oubliais. Je prends l'avion pour Palm Springs aujourd'hui. Je vais à une soirée chez une dame riche à qui mon médecin m'a présenté. Elle m'a tant supplié de venir que finalement, j'ai cédé. C'est une rousse artificielle, la cinquantaine, charmante nature et excellente danseuse. Je vais me servir de sa maison pour ma prochaine aventure de Marlowe. Eh oui, je compte la situer à Palm Springs. Marlowe a épousé la fille aux 8 millions de dollars de sur un air de Navaja. Je pense que la lutte entre eux pour savoir s'il doit adopter le genre de vie de sa femme ou conserver le sien devrait constituer une intrigue secondaire intéressante. Ou bien elle cédera, ou bien le mariage cassera. Je ne sais pas. Ce dont je suis sûr, c'est que personne, mais alors vraiment personne, ne pourra arracher Marlowe à son bureau minable, à sa clientèle peu rémunératrice, à sa résistance et à sa forme sarcastique de pitié. Yes? I'm Philip Marlowe. I got a letter asking me to come up here about a story. Oh, Mr. Marlowe to see you. You may go in. Lettre du 3 décembre 1957 à l'un de ses lecteurs, professeur en Californie. Cher Monsieur Hartley, j'ai fini mon 7e roman sur Marlowe, Playback. Ça ne fait pas une grosse production pour un auteur de romans policiers, mais je me donne beaucoup de mal. Je n'abandonne pas Marlowe. Je l'aime beaucoup trop pour cela. Dans mon prochain roman, il se marie, mais ce ne sera que secondaire. Il me fallait juste un bon début. À part Marlowe, je me suis remis à la poésie. J'ai écrit aussi 2 articles vengeurs sur Hollywood. Les scénaristes, pas les meilleurs, ont prétendu que ce serait ma perte. Un canard professionnel pas trop honnête avait écrit « Chandler s'avance lentement vers la guillotine ». En fait, on m'a proposé des contrats beaucoup plus importants après ces articles qu'avant. Le grand problème est la grosse difficulté pour les écrivains contemporains si on veut vivre de sa plume. C'est d'écrire quelque chose que le public acceptera, tout en faisant ce que l'on considère personnellement comme de la bonne littérature. Un de mes amis prétend que je suis un incroyable égotique. Les auteurs qui ont réussi, même s'ils s'en défendent, y succombent inévitablement. Parce que c'est une vie solitaire et incertaine et qu'avec tout le succès qu'on a pu rencontrer, on repart toujours de zéro. Alors je crois que lorsqu'on a eu une certaine notoriété mondiale, on peut se dire « Bon, je ne dois pas être si mauvais que ça. La route n'a pas été facile et ce n'est pas fini, mais j'ai quand même fait un sacré bout de chemin. » Et je peux bien me donner une petite tape amicale dans le dos de temps en temps. Santé. Ray. Lettre du 7 janvier 1958 à Helga Green. Ma chérie. J'avais rendez-vous avec une grande fille ravissante qui est serveuse à la Dollhouse. Mais je ne crois pas que vous l'ayez jamais vue. Je l'avais déjà remarquée plusieurs fois, non pas tellement pour son physique, que pour sa façon de se déplacer et la grâce de ses mouvements. Je me suis dit tout de suite que ce devait être une excellente danseuse. Donc, un matin qu'elle me servait, je lui ai demandé si elle aimerait dîner avec moi et aller danser, en précisant bien que mes intentions s'arrêtaient là. Mais elle a dit qu'elle réfléchirait. J'ai trouvé cela amusant, car il était bien évident qu'elle n'en croyait rien. Elle n'avait rien du tapin, encore que je ne m'attendisse pas à la trouver vierge. Elle a été très franche, et elle m'a dit que les hommes lui faisaient toutes sortes de propositions et que c'était facile pour elle de distinguer les cochons et les autres. Je lui ai dit que pour moi, c'était pareil avec les filles. Elle ne croit jamais que tout ce que je cherche, c'est quelqu'un avec qui danser, mais qui danse bien de préférence. Rien qu'à l'avoir marché, on pouvait voir sa classe. Donc le samedi suivant, comme elle était libre, elle m'a demandé de l'appeler à 8h30, ce que j'ai fait. Elle portait une robe blanche très décolletée, à vous couper le souffle. Elle a enfilé un manteau de fourrure blanche, qu'elle ne s'est certainement pas offert avec ses pourboires de serveuse. Malheureusement, quand nous sommes arrivés au Ranch Club, c'était bondé. Je n'avais pas réservé. Ils m'ont proposé une table qui était pratiquement dans la cuisine, que j'ai immédiatement refusée. Nous sommes allés au bar un moment. L'hôtesse est venue m'annoncer qu'elle avait maintenant une bonne table pour moi. Mais en fait, cette table était assez loin de la piste. Je lui ai dit que je prenais toujours une table au bord de la piste. Impossible cette fois-ci. Alors j'ai dit que je serais ravi d'avoir les membres de l'orchestre à ma table quand ils auraient un moment. Mais ils ne sont jamais venus. La jeune femme montra un excellent appétit. Elle m'a beaucoup parlé d'elle-même, plus en fait que je ne le souhaitais. Et puis elle m'a appelé chérie, ce qui ne m'a pas trop plu, parce que ça permettait assez bien de la situer. Mais elle se tenait très bien, pas saoule le moins du monde, et vraiment superbe. Vers minuit, nous en avons eu assez. Alors je l'ai raccompagnée à son appartement. Je crois, mais je ne peux pas en être sûr qu'elle devait s'attendre à ce que je passe la nuit avec elle. Mais ce n'était pas mon intention. Bref, elle n'a pas insisté, nous sommes quittés très bons amis devant sa porte. C'est triste au fond la vie de ces filles, encore que la plupart n'aient pas la classe de celle-ci. Elles sont vulnérables avec une vie faite de hasard. Elle a 27 ans, elle a été mariée, elle a divorcé, mais bâtie comme elle est. Comment se fait-il qu'elle soit toujours sérieuse ? Sans doute se disent-elles qu'un jour ou l'autre, elles vont rencontrer l'homme de leur vie. Seulement voilà, ça n'arrive jamais. Parce que le type en question les traitera toujours en serveuse. Ou alors, comme moi, il aura envie de danser, un point c'est tout. Et des danseurs sérieux, il n'y en a pas des tas. Le lendemain matin, je lui ai téléphoné et je lui ai demandé quelle couleur de rose elle préférait. « Et pourquoi donc voulez-vous m'envoyer des roses » dit-elle. « Quand une femme me fait le plaisir de dîner avec moi, je lui envoie généralement des roses. »« Eh bien, des rouges alors » dit-elle. Et là-dessus, elle a éclaté en sanglots. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous ai fait de la peine? Il y a eu un long silence et puis elle a dit « Je ne sais pas. Simplement, je n'ai pas l'habitude qu'on me traite ainsi. L'habitude... Oh, puis zut! Tout ce que je peux faire, c'est vous remercier. Je vous reverrai. » Je crains bien que non. Je pars aujourd'hui pour la Jolla en Californie et ensuite je vais à Londres. Désolé pour hier soir. Je m'y suis mal pris. J'avais très envie de danser avec vous, mais... nous aurions dû aller ailleurs. Au revoir. Alors elle a ajouté quelque chose de très curieux. Elle a dit « Je suis désolé que nous n'ayons pas dansé, mais que peut-on faire de plus pour une femme que ce que vous avez fait ?» Bon, je vais m'arrêter, autrement je vais composer un de mes abominables sonnets et il risque même d'avoir 16 vers. Ray. Raymond Chandler meurt d'une pneumonie le 26 mars 1959 à La Jolla, en Californie. Il a 70 ans. C'était Page arrachée à la correspondance de Raymond Chandler, lettre choisie par Bruno Abraham Kremer et Anne Rothenberg. Lue par Bruno Abraham Kremer et Pauline Moulaine. Musique originale, Dominique Massa. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Pascal Deux. Les deux volumes de la correspondance de Raymond Chandler sont parus dans une traduction de Michel Doury aux éditions Bourgois, puis aux éditions 10-18.